La feuille de papier. Une enseignante demanda un jour à ses élèves d'écrire les noms de tous les autres élèves de la classe sur une feuille de papier et de laisser un peu de place à côté des noms. Ils devaient réfléchir à ce que serait la chose la plus sympa qu'ils pourraient écrire à propos de chacun de leurs camarades. Et cela, ils devaient l'écrire à côté du nom concerné. Cela prit une heure. À la fin, les élèves remirent leurs feuilles à l'enseignante. Durant le week-end, l'enseignante écrivit les noms de tous les élèves sur une feuille de papier avec à côté la liste des remarques les plus gentilles que les collègues avaient notées sur chacun. Le lundi, chaque élève reçut sa liste. Dès qu'ils commencèrent à lire, ils se mirent à sourire. « Vraiment ? » murmura-t-il. « Je ne savais pas que je signifiais quelque chose pour quelqu'un. Ou je ne savais pas que d'autres m'appréciaient tellement. » Après cela, plus personne ne parla des listes. L'enseignante ne savait pas si les élèves, entre eux ou avec leurs parents, en avaient discuté, mais cela était sans importance. Le but de l'exercice avait été atteint. Les élèves étaient heureux avec eux-mêmes et avec les autres. Quelques années plus tard, l'un des élèves mourut et l'enseignante se rendit à son enterrement. L'église était comble, beaucoup d'amis étaient là. Après la messe, quelqu'un demanda à l'enseignante « N'étiez-vous pas la prof de maths de Marc ?»« Oui, dit-elle, nous sommes les parents de Marc et nous voulions vous montrer quelque chose. » Le père sortit un porte-monnaie de sa poche et en tira un morceau de papier usé, collé et plié plusieurs fois. Sans même l'avoir regardé, l'enseignante sut que c'était une des feuilles sur lesquelles figuraient toutes les choses sympas que ses camarades de classe avaient écrites sur lui. « Nous voulons vous remercier pour ce que vous avez fait, » dit la maman de Marc. Tous les anciens élèves se rassemblèrent autour de leur ancienne enseignante. Charles eut un léger sourire et dit « Moi aussi j'ai encore ma liste. Elle est dans le tiroir supérieur de mon bureau. » La femme de Chouk dit « Chouk voulait que je colle la liste dans notre album de mariage. » « J'ai encore la mienne moi aussi, » dit Marilyn. « Elle est dans mon journal. » Alors Vicky, une ancienne élève, prit dans son agenda sa vieille liste usée pour la montrer aux autres. « Je l'ai toujours avec moi, » dit-elle. « Je pense que nous avons tous gardé notre liste. » Leur enseignante en fut tellement touchée qu'elle dut s'asseoir et pleura.